Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Comme vous le savez, en fonction de votre lieu d'habitation sur notre chère planète, en fonction du moment de la journée que vous choisissez pour écouter cet épisode, il se pourrait que cette présentation convienne à la plupart des francophones d'entre vous. Si jamais vous arrivez sur ce podcast pour la première fois, c'est pas le type d'épisode que je recommande. Plutôt directement d'aller aux personnes que je rencontre, avec lesquelles j'ai le plaisir d'échanger, soit sur l'épisode précédent où je suis parti à la rencontre, ou surtout à la redécouverte d'un ami, Monsieur Michael Paranos, avec lequel nous abordons différents moments de son expérience, de son aventure, que ce soit en tant qu'éducateur ou en tant qu'entraîneur qu'il est en train de devenir, avec un public senior, avec des adultes, et notamment nous abordons l'expertise qu'il est en train de développer pour l'analyse vidéo dans le cadre du football. Ou alors dans l'épisode suivant où je suis parti à la découverte de Monsieur Kevin Lévry, personne que j'ai également rencontré au Canada, avec lequel nous abordons les prémices de sa passion pour le football, liées notamment en partie à son pays d'origine, à son pays de naissance qui est la Côte d'Ivoire, son plaisir de partager la culture du football en Côte d'Ivoire, mais également son expatriation qui l'emmène au Canada où il est en train de devenir un joueur, mais aussi un éducateur, que ce soit dans le cadre du football, mais également dans le cadre du futsal. Alors si jamais vous êtes encore en train d'écouter ce que je suis en train de dire, c'est que il est possible que vous ayez été influencé par le titre du podcast, justement, où je souhaite partager mes petites connaissances, ma toute petite expertise dans le fait de pouvoir partager un podcast, et peut-être que vous souhaiteriez en connaître davantage pour, à votre tour, partager un contenu qui peut être beaucoup de meilleure qualité que la mienne, mais en tout cas, l'idée, c'est de partager un peu toutes les informations que j'ai pu relever, obtenir, soit par le biais d'échanges ou de recherches durant ces quelques derniers mois, mais c'est surtout si il y a 8 ou 10 mois, j'avais pu tomber sur ce contenu-là, eh bien, cela m'aurait surtout permis de gagner un peu de temps. Et c'est un contenu que j'aurais aimé prendre connaissance un peu plus tôt. Voilà, une fois que je vous ai dit cela, je peux rentrer dans le vif du sujet et vous partager un peu l'histoire d'un épisode, de sa réalisation à son résultat final. Alors, quoi de mieux que de vous parler de ce que je suis en train de faire et de ce que j'utilise pour réaliser cet échange-là, exactement, celui que je suis en train de vous partager. J'utilise l'outil GarageBand. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, je ne suis pas là pour faire de la pub, je ne vous partage uniquement moi ce que j'utilise, qui pourrait vous être utile. C'est un logiciel qu'on peut retrouver sur les outils Mac. Je ne sais pas si c'est sur les nouveaux ou c'est sur les anciens, parce que il s'avère que le mien date de quelques années déjà. Mais en tout cas, c'est un outil en libre accès sur Mac, GarageBand, et qui est assez simple d'utilisation. Vous pourrez notamment retrouver sur YouTube pas mal d'explications, pas mal de vidéos prises en main de GarageBand en 5 minutes, prises en main de GarageBand en 4 clics, je sais pas, bon, je dis des bêtises, mais c'est un peu l'idée. Et en tout cas, l'idée de base, il me semble, c'est que c'est un outil d'enregistrement musicaux, mais il me semble que je ne sois pas le seul à l'utiliser pour faire des enregistrements audio et que la qualité est relativement convenable pour l'amateurisme que je suis en train de réaliser, l'amateur de contenu audio que je suis. Donc ça me convient parfaitement. En tout cas, c'est un outil que j'ai découvert plusieurs années après avoir pris en main un outil, un ordinateur Mac. Je comprenais pas. C'est un logo avec une guitare et une ampli, il me semble. Puis je savais pas trop ce que ça faisait sur mon ordinateur. Et puis même, je me battais pour l'enlever de mon ordinateur parce que c'est assez costaud en termes de stockage. Et puis finalement, j'ai découvert ça il y a quelques mois. Et puis, j'ai été bien heureux de pouvoir maintenant l'utiliser. Et on va dire que la prise en main, dans mon cas, plus c'était autour de 1 à 2 semaines pour me familiariser avec l'outil. Bon, et puis maintenant, on va dire que c'est beaucoup plus simple. Ensuite, je sais qu'il y a pas mal d'outils qui font la même chose. Audacity, si je dis pas de bêtises, difficile pour moi de savoir si c'est gratuit ou pas. Mais je ne suis vraiment pas là pour faire de la pub, c'est vraiment par curiosité, c'est vraiment pour les plus curieux d'entre vous. Je sais que notamment maintenant, il y a des outils sur le téléphone qui se développent comme Anchor, Anchor, qui sont des outils justement pour faire la réalisation de podcasts, qui se spécialisent dans la réalisation de podcasts. Et j'ai essayé, j'ai eu du mal, mais je sais qu'aussi que maintenant il y a des outils, il me semble, comme Zoom, donc des outils de communication qui permettent directement d'enregistrer via l'application. C'est quelque chose que je n'ai pas essayé, donc je ne pourrais pas en dire davantage. Voilà ce que j'utilise pour enregistrer. Donc comment ça se passe lorsque je suis en contact avec une personne, lorsque j'appelle quelqu'un? Donc j'utilise quelques outils différents. Mon préféré, c'est quand même Discord. C'est un outil que j'ai découvert il y a peu de temps, à peu près moins d'un an. Un spécialiste du jeu vidéo m'a mis cet outil à portée de main et j'ai été content d'en prendre connaissance et à plusieurs reprises d'être particulièrement étonné par la qualité du son. Je sais que maintenant, il y a beaucoup plus d'utilisation que le simple fait de s'appeler. Discord permet de vraiment à de nombreux outils à sa disposition. Et je sais que notamment, il y a pas mal de sociétés ou justement de podcasts qui créent des communautés sur Discord. Et je sais que notamment, il y a des membres, des YouTubeurs qui créent des communautés. C'est vraiment assez pratique. Je ne maîtrise vraiment pas et puis je ne souhaite pas en parler. Mais je sais que c'est assez pratique. En tout cas, pour la qualité de l'audio, ça me satisfait largement. Ensuite, j'ai eu la possibilité quelquefois d'utiliser l'outil Messenger, mais c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Et ces derniers temps, je pense que nombreux sont les personnes d'entre nous qui sont plus familiers avec l'outil Zoom, qui permet une meilleure qualité d'audio. Et je pense que c'est, malgré ma veille que j'essaie de faire assez régulièrement, il est probable que à la suite de ce confinement, il y ait de meilleurs outils qui soient à notre disposition en termes de qualité audio. Parce que c'est vrai que dans mon cas, en étant en Asie, des fois je suis amené à écouter, à échanger avec des personnes qui sont en Amérique du Nord ou alors en Europe, et peut-être que parfois le décalage n'est pas évident. C'est ce qui m'a permis parfois de devoir, ce qui m'a incité parfois à changer d'outil de communication. Ensuite, il y a un conseil que je peux donner à ce moment-là, que j'ai été content de découvrir il y a peu de temps, c'est j'ai créé on va dire un média de base, une base de podcast que j'appelle une piste de base. Lorsque j'appelle quelqu'un, je l'utilise. Elle est déjà préfaite avec plusieurs playlists de faits, vous savez, avec une playlist qui permet de mettre le jingle, une playlist qui permet de mettre l'introduction, une playlist qui permet de. Voilà, plusieurs pistes, je pense que ça s'appelle comme ça, mais j'ai peur de dire des bêtises. Mon conseil, c'est surtout celui-ci, c'est surtout d'enregistrer cette piste de base sur un disque dur externe et en fait d'enregistrer l'échange. C'est-à-dire que lorsque j'appelle quelqu'un, je lance l'enregistrement. Et en fait, cet enregistrement s'enregistre immédiatement sur un disque dur, sur le disque dur. Un disque dur de qualité. C'est vraiment quelque chose que je recommande pour que y ait pas de problème pour la qualité de l'enregistrement. Et donc là, bon, j'ai investi dans un disque dur coréen Samsung pour l'anecdote. Bon, surtout pour le souvenir, je pense aussi. Ensuite, comment ça se passe? Donc là, c'est le moment fatidique. C'est le moment où je finis de discuter, d'échanger avec les personnes. C'est là le moment le plus compliqué pour moi, c'est est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que l'échange est de qualité? Est-ce que tout va bien pouvoir s'enregistrer? Donc là, je suis un petit peu parano et j'enregistre une fois sur mon ordinateur, une deuxième fois sur mon ordinateur, une première fois sur le disque dur externe, une deuxième fois sur le disque dur externe. Autant vous dire que pour moi, après 2 heures, 2 heures et demie d'échange avec une personne, parfois je ne me souviens même plus si, même plus exactement de toutes les questions que j'ai posées, de tous les sujets que nous avons abordés, de toutes les réponses qui ont été apportées. Donc il me tient vraiment à cœur de pouvoir réécouter cet épisode et c'est une richesse pour moi. J'ai bien conscience que c'est presque un document d'archivage que je ne souhaite absolument pas perdre, encore moins refaire. Enfin, si, je pourrais le refaire, mais c'est vraiment pas le but, parce que j'aime la spontanéité, justement. Et je vous avoue que parfois j'ai un petit, c'est ça, la parano, et puis après avoir écouté quelques épisodes et puis constater que tout va bien, ben je peux à la suite de cela supprimer les épisodes qui sont en trop. Je pense que 2 enregistrements devraient au moins suffire, généralement. Ensuite, ce que je peux vous partager, c'est qu'une fois que j'ai enregistré l'épisode, que je le réécoute une semaine, un mois après, que je réalise le montage, donc là, il n'y a pas d'aspect technique à aborder, hein, je suis vraiment pas la personne qu'il faut écouter forcément pour tout ce qui est l'aspect technique, hein, vous devez probablement l'écouter à l'audio. Néanmoins, la manière dont je fonctionne, et là, j'ai été très heureux de découvrir ces petits outils. En posant quelques questions, en faisant pas mal de recherches, c'est quand même du temps. Une fois que l'enregistrement est enregistré, donc via l'application GarageBand, j'utilise, donc là je l'enregistre de la meilleure qualité possible. Ils disent iTunes Plus, mais je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est la qualité de l'enregistrement. J'enregistre, on va dire que je stocke l'audio définitif sur archive.org. Donc là, c'est un site que je ne connaissais pas, que je suis bien heureux de connaître. C'est un site de stockage gratuit, en tout cas pour l'instant, avec une base presque infinie de documents, j'ai l'impression. Que ce soit des formats écrits, que ce soit des formats audio, que ce soit des films, que ce soit des documents d'archives. J'ai essayé de chercher, mais il y a énormément de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est gratuit de créer un compte et de stocker des enregistrements audio. Ça, c'est assez pratique. Et ensuite, pour partager ce que vous êtes en train d'écouter, comment on y arrive, j'utilise l'application PodCloud. Alors là, c'est une agréable surprise pour moi. Ils disent fait par les podcasteurs pour les podcasteurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sens beaucoup de passion avec les quelques échanges que j'ai pu avoir. La plupart du temps, lorsque j'ai eu quelques soucis via l'application, j'ai eu une réponse en moins d'une heure. J'ai même eu des réponses le week-end. Alors ça, j'étais étonné. Encore une fois, je ne veux pas faire de publicité, mais je vous partage vraiment juste mon expérience. C'est gratuit dans mon cas. Dans mon cas, c'est-à-dire que j'utilise le stockage sur archive.org, puis pour utiliser PodCloud, c'est gratuit. La création d'un podcast, ça n'a pas été compliqué via PodCloud. Et en fait, il suffit juste, une fois que je crée l'épisode dans l'application PodCloud, avec le compte de Footballagogie, que je rajoute un nouvel épisode, il y a, au moment où il y a l'espace pour créer le titre, pour créer la description du podcast, pour notifier le moment où on souhaite que l'épisode soit partagé, et plein d'informations comme ceci, à la suite de cela, il demande via l'application où est-ce que nous devons retrouver l'épisode audio. Et là, il y a juste à faire via archive.org, copier-coller pour récupérer l'enregistrement sous différents formats. Sur archive.org, il s'enregistre sous une douzaine de formats. Évidemment, je ne les connais pas, dont MP3, dont MP4. Et donc là, il y a juste à faire un copier-coller du bon format que nous souhaitons et de le mettre sur PodCloud. Et une fois que nous avons fait ça, via l'application PodCloud, avec les accords que PodCloud nous permet, eh bien, PodCloud partage automatiquement via de nombreuses plateformes, si ce n'est pas magique, comme Google Podcast, comme iTunes, comme Apple Podcast, comme Castbox, comme Podcast Tracker, etc., etc. Et tout se fait de manière automatique. Donc ça, pour le coup, j'étais agréablement surpris une nouvelle fois. Et le bon côté de ça, ah oui, peut-être la bonne astuce à connaître, c'est qu'au début je faisais des enregistrements MP4, mais le problème c'est que ça partageait pas sur Deezer. Deezer, a priori, n'en accepte que les formats MP3. Donc maintenant, je ne partage que des formats MP3. Je ne sais pas trop si la qualité d'audio s'est détériorée, mais en tout cas, c'est ce que le parti pris. Et je sais que les premiers épisodes n'apparaissent justement pas sur Deezer parce que c'est des enregistrements MP4 et je n'ai pas encore pris le parti de faire un comeback pour changer justement les enregistrements MP3 pour des enregistrements MP4. Mais ça prend quand même énormément de temps. Eh bien, je pense que j'ai partagé l'essentiel. c'est quand même 15 minutes, mais en tout cas, j'espère que j'ai fait court et que j'ai partagé le plus important. Ah oui, et peut-être la cerise sur le gâteau via l'outil de podcast qui est PodCloud, c'est qu'ils ont ajouté il y a moins d'un mois un outil via un partenariat avec YouPod, qui permet, une fois que nous avons enregistré l'épisode sur PodCloud, de générer des petits extraits. Alors, même pas. Il permet de générer des extraits qui permettent de faire un peu de promotion, vous savez, sur des outils comme YouTube, comme Instagram, comme Twitter. Mais également, ils permettent d'extraire directement l'enregistrement audio dans sa totalité, en très peu de temps, pour le partager dans son intégralité. Notamment, par exemple, sur des plateformes comme Facebook ou YouTube. Autant vous dire que c'est un gain de temps parce que pour faire l'enregistrement sur YouTube, ça me prend encore parce que c'est un parti pris, pas mal de temps, mais ça, c'est avec iMovie et je pense que c'est pas la meilleure méthode, mais c'est vous dire tout ce que j'ai encore à apprendre. Mais si jamais, à la suite de cet épisode, j'ai dit des bêtises, vous avez des connaissances qui peuvent m'être utiles. Vous avez des questions. Vous avez des outils qui peuvent me permettre de gagner du temps ou de l'argent. Ou vous avez des compétences pour permettre d'augmenter la qualité de ce contenu. Toutes les remarques et tous les conseils sont évidemment les bienvenus. Pour cela, footballagogie@gmail.com. Et pour moi, le plaisir d'échanger avec les personnes qui le souhaiteront. Après vous avoir dit cela, je peux vous orienter, vous conseiller de ne pas hésiter à écouter, comme je l'ai mentionné en introduction, mon épisode suivant, ou surtout notre épisode avec Kevin Lévry, où nous parlons passionnément de football, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Canada, que ce soit sous la forme de joueurs, mais surtout d'entraîneurs, d'éducateurs, le plaisir de partager sa passion à travers le voyage et le football. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite évidemment une fois de plus de prendre soin de vous. À très bientôt.